Et du live, comme chaque fois, hein, on commence à avoir l'habitude. Bon, il n'y aura pas que du live ce soir, puisque parmi nos invités Defray qui était déjà venu, il s'occupe du label Homicide Records à Toulouse, et il fait du son. Quand il était venu, il nous avait passé pas mal de morceaux de son label, et il avait fait un mix aussi. Ce soir, il n'y aura pas de mix, parce qu'il n'a pas de platine. Et oui, c'est pas pratique, hein. Sinon, DJ Gronaz, qui est là ce soir aussi, qui vient de Toulouse lui aussi. Et oui, d'ailleurs, profitons du fait que tout le monde vienne de Toulouse pour redire une énième fois à tous les gens du coin, du Lot, qu'ils peuvent nous contacter s'ils veulent venir dans l'émission, parce que c'était quand même l'objet premier de cette émission, de faire venir des gens du coin pour faire du live. Donc, nous contacter, ça peut être le téléphone 05 65 53 68 07 05 65 53 68 07 ou bien le mail de l'émission electron.libre@orange.fr electron.libre tout ça au pluriel @orange.fr. voilà. Sinon quoi dire, que DJ Gronaz n'est pas venu tout seul, il est venu avec un ami à lui pour faire de la poésie électro, m'a-t-il dit. Oui, bon, on cherche le nom exact, mais peu importe, hein, vous écouterez et vous découvrirez. Voilà, en tout cas, ce sera des petites expérimentations. On aime bien faire ça dans l'émission, on fait pas toujours que du gros live de teuf, quoi, j'allais dire, hein. On aime bien faire aussi d'autres choses. Donc tout ça, ce sera au cours de la soirée, donc DJ Gronaz et son pote, nos nouveaux invités du soir. Defray également, cours de soirée, pour pas mal de morceaux, certainement orientés breakcore, hein, c'est ses dernières petites découvertes. Et puis aussi, Cyril des Zinzins de l'Espace, qui lui est déjà venu aussi. Il y a 15 jours, on avait les deux autres membres des Zinzins de l'Espace. Cyril n'avait pas pu venir, donc il est venu ce soir. Et encore quoi d'autre, d'accord, normalement, hein, si c'est motive, mon collaborateur dans cette émission. D'accord, un live fruity, comme toujours. Et pour commencer, ce sera un live machine, une fois n'est pas coutume pour Tonton Free, puisque ce sera un live de Tonton Free sur machine cette fois, et non pas sur Fruity Loops, comme vous avez eu l'habitude de l'entendre. Tonton Free qui a créé cette émission, donc quand même, rendons-lui hommage, n'est-ce pas? Gloire à lui. Bon, eh ben, on va démarrer de suite, hein. On vous redonnera les contacts, enfin je veux dire le mail, le téléphone pour nous contacter un petit peu plus tard dans la soirée. On va commencer donc avec ce live de Tonton Free qui est pré-enregistré, hein. Il n'est pas dans les studios parce qu'il habite à Angers désormais, donc c'est difficile d'être fréquemment dans les studios Nintendo à Cahors. Mais bon, il nous fait toujours passer ses derniers lives et donc ça nous fait bien plaisir. Voilà, on va démarrer avec ça, et puis la suite, vous verrez bien, avec DJ Gronaz et tous les autres. Hein. Tonton Free, Live Machine, préenregistré sur Electron Libre, l'émission qui fait du bruit dans ta radio sur Antenne Doc. We'll be right back. Soyez patient, détendez-vous. Soyez patient, détendez-vous. Soyez patient, détendez-vous. Soyez patient, détendez-vous. Détendez-vous. Soyez patient. Détendez-vous. Détendez-vous. Soyez patient. Détendez-vous.

Thank you.

Yeah. Ouais, donc c'était un live préenregistré, comme je l'ai dit au début, un live préenregistré de Tonton Free qui a créé cette émission. On va vous redonner le mail de l'émission pour nous contacter et nous contacter, ouais, soit voilà, pour filer vos impressions sur l'émission ou pour faire du son. Si vous avez envie de faire du son, donc le mail electron.libre@orange.fr, electron.libre, tout ça au pluriel, @orange.fr. Voilà, sinon on vous rappelle aussi le site sur lequel vous pouvez télécharger les émissions. Le site c'est mininova.org. Mininova.org, ça s'écrit mininova.org. Et donc sur ce site, vous tapez Electron Libre au pluriel et vous pourrez télécharger, je crois qu'il doit y avoir 12 ou 13 émissions maintenant. Bon, sachant qu'on est à la 21e ce soir, il y a un décalage, hein, c'est clair. Mais bon, on a commencé à le faire en cours de route, donc on les met au fur et à mesure, aussi vite qu'on peut. Mais en tout cas, vous pouvez déjà en écouter quelques-unes sur Mininova. Donc, et le téléchargement est gratuit, évidemment. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, après ce live préenregistré, donc on va attaquer le live direct avec nos invités du soir. Ça sera DJ Gronaz de suite qui vient de Toulouse et qui tourne pas mal à Toulouse, hein. Moi j'avais vu pas mal de dates de lui, et donc après je pense qu'il enchaînera avec son pote Totof pour de la poésie électro. Voilà, on peut, ouais, on va démarrer, yes. Ah ben oui, hein. Il avait déjà démarré. Bon, c'est ce qui s'appelle un pain, hein, un gros pain. Petit souci technique, c'était pas du tout la musique de DJ Gronaz. Ouais, donc on va essayer de rétablir ça de suite, hein.